بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Commence donc le cours d'aujourd'hui, le cours 50, dans l'explication de Sharh Manzumat al-Adab, écrit par Sheikh al-Mardawi, avec les commentaires de Sheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Et on est arrivé donc, on est toujours dans le chapitre au sujet des héritages et des règles qui concernent le regard. Donc l'incitation à étudier et à apprendre les règles de l'héritage et les règles qui sont reliées au regard. Donc Cheikh al-Mardawi, il dit maintenant: وما كان فيه الداء من كل جسمها فبالنظر حكم للطبيب المجود وينظر وجه الخود والكف عبدها ولم يكن ذا إربة في المؤكد. Donc on parle des règles du regard. Au dernier cours, on terminait avec l'explication de la question de la femme lorsqu'elle doit aller chez le médecin, et on expliquait que s'il y a des médecins femmes, eh bien c'est dans ce cas-là obligatoire pour la femme d'aller consulter un médecin femme. Mais que s'il n'y a pas de médecin femme, à ce moment-là, c'est permis par nécessité pour que la femme consulte un médecin homme. Et on a expliqué des détails à ce sujet-là. Maintenant, le cheikh, il continue, et cheikh Al-Fawzan, il explique ce passage. Il dit: إذا احتاجت المرأة إلى العلاج عند الطبيب فللطبيب أن ينظر منها ما يحتاج إليه للعلاج للضرورة لأن النظر إلى شيء من جسمها يعني من جسم المرأة حرام من الرجل إلا عند الضرورة يجوز للطبيب أنه ينظر منها ما دعت الحاجة إلى النظر إليه للعلاج ويجوز نعم وما لم تدع الحاجة إليه فإنه حرام النظر إليه ولمسه ويكشف عن جسمها بقدر الضرورة بقدر ما يحتاج للعلاج فقط. Donc le cheikh, il explique que si la femme a besoin d'un traitement de la part d'un médecin, alors le médecin a le droit de regarder ce qu'il a besoin de regarder dans le but de traiter cette femme par nécessité. Parce que le regard, ou le fait de regarder une partie quelconque du corps de la femme, est interdit pour l'homme étranger, excepté lorsqu'il y a une nécessité. Et il est permis au médecin, dans ce cas-là, de regarder à la partie à laquelle il a besoin de regarder dans le but de donner le traitement ou de faire le traitement à cette femme. Et s'il n'y a pas quelque chose qui est nécessaire, ou bien disons plutôt qu'il n'y a pas le besoin de regarder à une certaine partie du corps, hein, aucune partie du corps, il n'y a pas aucun besoin de regarder à cette partie-là, alors à ce moment-là, c'est interdit pour lui de le regarder. Et de même que de toucher à cette partie du corps de la femme, s'il n'y a pas de besoin de le faire. Et il dit qu'il peut donc découvrir la partie du corps de la femme qui est nécessaire de découvrir par nécessité et selon le besoin, hein, pour le traitement seulement. Donc c'est pas nécessaire, par exemple, de dire à la femme, pour le médecin, de dire à la femme d'enlever tous ses vêtements si c'est seulement nécessaire, s'il veut seulement regarder son ventre, ou bien de regarder, par exemple, son bras ou son épaule, ou bien une autre partie de son corps. Hein? Donc, il va seulement regarder l'endroit où il y a besoin de y aller pour le traitement seulement, et non pas tout le reste du corps de la femme. Parce qu'il y a certains coups y aller parmi les médecins, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ici, ils ont besoin de regarder une partie du corps de la femme. Ils vont dire à la femme, enlevez tout, alors que ce n'est pas nécessaire. Donc c'est juste parfois parce qu'ils veulent y aller regarder le corps de la femme. Et c'est pas parce qu'il y en a qui disent, bon, les médecins ils disent, ah ben nous on est des professionnels, on regarde pas la femme yani pour yani, disons comme ils disent, les koufas se rincer l'œil. Ils regardent seulement dans le but d'un but médical, professionnel. N'empêche que ça reste des êtres humains aussi. Et on a vu dans des cas de médecins, par exemple, que ce soit des gynécologues ou autres, qui ont profité de leur position pour abuser de certaines femmes ou bien pour faire des choses qui ne sont pas correctes. Donc, il faut faire attention à ces choses-là. Non, c'est la même chose. Un homme traite un homme et une femme traite une femme. En principe, c'est ça. Après, le cheikh, il explique la suite. Il dit, وَنَظَرُ الرَّجُلِ إِلَى الْمَرْأَةِ مَتَى يَجُوزُ وَمَتَى لَا يَجُوزُ هذا يعني فصل الله جل وعلا فيه بقوله وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن يعني وجوههن وأكفهن إلا لبعولتهن يعني الأزواج فكل من الأزواج له أن ينظر إلى الآخر من غير تقييد بمحل ينظر إلى كل جسمها حتى تنظر إلى كل جسم وهي تنظر إلى كل جسمه لا مانع بين الزوجين أو آبائهن والأب يشمل الأب المباشر ويشمل الجد وإن علا فله أن ينظر إلى بنته والجد ينظر إلى ابنة ابنه أو ابنة بنته لأنه أب أو آباء بعولتهن وهو أب الزوج أو جد الزوج من قبل الأب أو من قبل الأم وإن علا ينظر إلى زوجة ابنه لأن الله لما ذكر المحرمات قال وحلائل أبنائكم وحلائل أبنائكم يعني حرام عليه حليلة ابنه فينظر إليها ويكون محرما لها ويسافر بها ويكون محرما أيضا يعني حرام عليه حليلة ابنه فينظر إليها ويكون محرما لها ويسافر بها ويخلو بها مع أمن الفتنة. Ok, on va commencer par traduire cette partie et on expliquera la suite après. Donc Allah Azza wa Jal, donc le cheikh il explique premièrement que donc il pose la question en premier. Qu'est-ce qui est permis à l'homme de regarder de la femme et qu'est-ce qui n'est pas permis? Il dit ça, Allah Azza wa Jal l'a détaillé dans le Coran. Et il mentionne le verset dans Surat An-Nur, le verset 31. Et dans ce verset-là, il y a toutes les règles par rapport à ce sujet-là. Donc Allah Azza wa Jal, il dit dans ce verset ce qui signifie « Et dit aux croyantes qu'elles rabaissent leur regard et qu'elles préservent leur partie intime et qu'elles ne dévoilent de leur parure que ce qui en paraît naturellement. » Et qu'elles rabattent leur grand voile sur leur poitrine ou sur l'ouverture de leur col, hein, ou de leur poitrine, et qu'elles ne laissent pas paraître la parure, hein, sa parure ou ses charmes, yani. Qu'elles ne dévoilent aucune de ses parures, c'est-à-dire le visage et les mains. Cheikh, il dit, les parures, c'est le visage et les mains. Donc, elle ne doit pas laisser paraître son visage et ses mains. Et, bien entendu, yani, le cheikh ici, qu'est-ce qu'il explique? C'est l'opinion d'une grande partie des ulama qui considèrent que de voiler le visage et les mains de la femme, c'est obligatoire. Et il y a certains savants qui ont dit que c'était pas obligatoire, mais avec certaines conditions. Hein? Donc ceux qui disent que c'est pas obligatoire, ils disent lorsqu'il n'y a pas de fitna, ou lorsqu'il n'y a pas la crainte de la fitna, ou lorsqu'il n'y a pas trop de de perversité ou de péché dans la société, ou lorsque la femme elle n'a pas en plus rajouté des parures sur son visage, comme par exemple du maquillage, hein? Si la femme elle porte pas, elle couvre pas son visage ou elle cache pas son visage et ses mains, eh bien ça implique que elle ne doit pas non plus, ça c'est pour les savants qui considèrent que c'est pas obligatoire de couvrir le visage. Eux ils disent il faut pas que la femme elle embellisse son visage par des artifices. Donc si elle va mettre sur son visage du maquillage et des décorations, des choses de ce genre, alors à ce moment-là c'est obligatoire pour elle de couvrir son visage, même pour les savants qui disent que c'est pas obligatoire à la base. Et ainsi de suite. Donc, tout ça pour dire que la question du visage, c'est une question qui revient souvent et c'est très important de bien comprendre. Et que, en même temps aussi, certains ulama ont clarifié que ce qui est plus important en réalité dans une personne, dans un être humain, c'est son visage. Parce que c'est là qu'on voit l'expression de ses émotions, de ses sentiments, de sa beauté aussi. Si je te dis, je te dis par exemple une femme que je te propose en mariage, d'accord? Et je te dis, tu peux la voir de la tête aux pieds, mais sauf que je te laisse pas voir son visage. Hein? Donc, est-ce que tu vas accepter de l'épouser sans avoir vu son visage? Non. Parce que tu ne vas pas savoir, si tu ne vois pas son visage, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle n'est pas bien. Même si tout le reste de son corps paraît bien, si tu n'as pas vu son visage, tu ne vas pas être satisfait. C'est comme si tu n'as pas vu la personne réellement. Et donc, les ulama ils disent, si l'islam oblige à la femme de couvrir ses pieds, hein, alors que les pieds, ce n'est pas une si grande cause de tentation que ça, alors... De couvrir le visage, c'est encore plus important et plus obligatoire. Et donc ça fait partie des arguments que les ulama ont mentionnés pour expliquer et clarifier l'obligation de la femme de couvrir son visage. Parce que c'est ça qui est le plus beau et le plus important à cacher en réalité chez la femme. Donc c'est pour ça que ici le cheikh il explique, elles ne doivent pas laisser paraître leur parure, c'est-à-dire... Elle ne doit pas laisser paraître leur visage et leurs mains. Il dit illa li bu'ulatihin, excepté à leur mari, parce que le mot bu'ulatihin, c'est yani al bu'ul, c'est les époux, et le hin à la fin c'est le pronom qui revient à leur, hein, le pronom possessif, c'est-à-dire leur mari. Et en voulant dire, il y en a le mari des femmes, excepté à leur mari. Et quand il dit al-bu'ul, c'est le pluriel du mot ba'al, si je ne me trompe pas, il y en a, et ça veut dire l'époux. Donc al-ba'al, le pluriel, bu'ul. Et donc Allah Azza wa Jal, il dit illa li bu'ulatihin. Et dans le verset ici, quand on va l'expliquer de toute façon, on n'est pas encore arrivé à cet endroit-là, mais quand il dit donc illa li bu'ulatihin, le cheikh, il dit, les époux, ils n'ont pas besoin de se couvrir ou de se voiler l'un de l'autre. C'est-à-dire que pour une femme, elle a le droit de voir toutes les parties du corps de son mari. Et le mari, il a le droit de regarder toutes les parties du corps de sa femme, sans exception. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une partie de son corps qu'il n'a pas le droit de regarder. Parce que c'est sa femme. Et il a le droit de jouir de toutes les parties du corps de la femme et de sa femme. Et la femme a le droit également de jouir de toutes les parties du corps de son mari. Et il n'y a pas de limite, il n'y a pas de restriction dans ça, tant que c'est là, entre deux, entre les époux. D'accord? Il dit « au abaihin ». Donc ici, il dit « et ou bien leur père ». C'est-à-dire qu'elles ne doivent pas montrer leur parure, excepté à leur mari. Et ça, qu'on a expliqué que pour les époux, ils ont droit de voir tout le corps. Et également, elles peuvent montrer de leur parure à leur père. Et quand on dit à leur père, c'est bien entendu pas leur corps au complet. Hein? Mais c'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin de se voiler complètement devant leur père. D'accord? Elles vont porter des vêtements, mais elles ne vont pas porter le djilbab et le niqab et tout le khimar devant leur père. Leur père peut les voir et elles peuvent voir leur père normal. Il n'y a pas de problème parce que c'est des liens de sang, c'est des maharim. Donc, il n'y a pas de problème dans ce sens-là. Et juste laisse-moi terminer ça, puis après tu pourras poser la question. Donc, il dit, le cheikh, il dit que ce soit le père direct, c'est-à-dire le géniteur, le père de cette fille, ou bien ses pères en montant, c'est-à-dire son grand-père, son arrière-grand-père, et ainsi de suite. Tous ces hommes-là sont considérés comme étant des pères. Et donc, l'homme, il a le droit de voir sa fille, et il a le droit aussi de voir sa petite-fille, que ce soit la fille de son fils ou la fille de sa fille. Et en descendant. D'accord? Il dit, parce que le grand-père est considéré comme un père, et l'arrière-grand-père est considéré comme un père, et ainsi de suite. Il dit ensuite, Ou aba ibu'ulatihinna, ou bien le père du mari. Le père du mari. C'est-à-dire que toi, tu es marié à une femme. Eh bien, ton père à toi, il est un mahram pour ta femme. Parce qu'il n'a plus le droit de la marier une fois que toi, tu es marié avec elle. D'accord? Et, naam, ou bu'ulatihinna. Donc, il dit le père du mari ou le grand-père du mari du côté du père, hein, ou bien du côté de la mère. C'est-à-dire son grand-père du côté de son père ou du côté de sa mère. Non, il dit et en montant, donc ça veut dire même son arrière-grand-père et ainsi de suite. Ils ont le droit de regarder l'épouse du fils, l'épouse du fils, parce que Allah Azzawajal les a mentionnés dans le verset 22, 23 dans sourate An-Nisa, wa halailu abna'ikum, c'est-à-dire les épouses de vos fils. C'est-à-dire elles sont interdites pour vous en mariage. Hein? Donc, étant donné que la fille qui est mariée à ton fils, hein, tu n'as pas le droit de la marier, donc tu as le droit de la regarder et tu es un mahram pour elle et tu peux voyager avec elle et être isolé avec elle yani, tout en étant yani, à l'abri de la fitna. D'accord? Tu voulais poser une question? C'est-à-dire, yani, son visage, ses cheveux, ses mains, et ainsi de suite. Yani. Son bras, oui, c'est ça. Bien entendu, yani, parce que les gens aujourd'hui, c'est devenu, les gens ont plus de respect. Donc ça veut dire, les gens, ils se permettent maintenant de s'habiller n'importe comment, devant n'importe qui. Et certaines filles, non seulement elles vont s'habiller de manière irrespectueuse devant leurs parents, mais même devant les étrangers, même dans la rue. Hein? Certaines filles, elles vont marcher avec des leggings comme ça, très serrés, moulants, dans la rue, devant les étrangers dans la rue. Donc, ça veut dire que chaque petit millimètre de forme de son corps, les gens étrangers sont en train de le voir. Ça veut dire que ces gens-là, souvent, si c'est des femmes mariées, Annie, ça veut dire que qu'est-ce que le mari, il voit là, de sa femme? Presque tout le monde dans la rue, ils peuvent le voir. Ou s'ils ne peuvent pas le voir, ils n'ont même pas besoin d'efforts pour imaginer. Parce que c'est comme si c'est déjà exposé complètement devant leurs yeux. Hein? Donc ça, c'est un manque de respect et un manque de pudeur. Donc quand tu vois par exemple la fille, elle va marcher par exemple avec des choses comme ça devant son père ou devant ses frères, ça, c'est inacceptable. Ça, c'est irrespectueux. Et la même chose aussi, Yanni, pour, comment pourrait-on, comme par exemple, Yanni, des mini-jupes ou des choses comme ça, des vêtements courts ou serrés. Non, même si tu es avec tes maharim dans la maison, tu dois quand même t'habiller de façon respectable. Hein? Donc, ça veut dire que même si c'est des gens qui n'étaient pas obligés de te voiler devant eux, mais au moins tu t'habilles de manière respectable, de façon à ce que yani, tu ne vas pas t'exhiber de façon impudique devant les gens, même si ce sont tes maharim, na'am. Oui, c'est, même si c'est eux qui payent les vêtements, ça ne veut pas dire que c'est pas un manque de respect. Des fois, c'est une forme d'inconscience de la part des parents aussi. Parce que certains parents, ils n'ont plus la notion de la pudeur. Et si les parents, ils n'ont pas la notion de la pudeur, comment ils vont l'enseigner à leurs enfants? Hein? On dit toujours, faire de Sheila Yorti. Celui qui n'a pas quelque chose, il peut pas le donner. Donc, à moins que cet enfant-là va avoir cette fitra, cette nature saine en lui-même, qui va le pousser à faire preuve de pudeur, si ses parents ne l'ont pas, il ne va pas l'avoir. Hein? Allah Musta'an. Donc, ça, c'est très important. Ensuite, le cheikh, il continue l'explication du verset. « Oh, abna ihinna, yani lamma zakara al-usul, zakara al-furu' fal-ibnu yanzuru ila ummih. » ويسافر بها لأنه محرم وهي محرمة عليه حرمت عليكم أمهاتكم. Donc il dit ensuite, Allah Azza wa Jalla dans le verset, il dit ou leur fils, c'est-à-dire que les femmes ont le droit de ne pas se voiler devant leur fils aussi, parce que Allah Azza wa Jalla, il a commencé par mentionner al-usul, ton père, hein, ton père c'est al-usul, c'est les bases, parce que tu viens de ton père. Et al-furu', c'est-à-dire ta progéniture, ta descendance. Donc, al-usul c'est ton ascendance, c'est de ceux de qui tu viens. Et al-furu', c'est tes descendants, c'est-à-dire ceux qui viennent de toi. Et donc, il mentionne parmi les hommes que la femme a le droit de se dévoiler devant eux. Eh bien, leur fils. Hein? Et il dit donc, le fils a le droit de voir sa mère sans voile et de voyager avec elle, parce que c'est un mahram pour sa mère. Hein? Et elle est interdite pour lui, c'est-à-dire il n'aura jamais le droit de l'épouser. Il dit donc, dans le verset 23, dans Surat An-Nisa, vos mères vous sont interdites pour vous en mariage. Ou abna ibu'ulatihinna. C'est-à-dire, ou bien les fils de leurs époux. Hein? Les fils de leurs époux. C'est-à-dire que si, par exemple, une femme, elle s'est remariée, soit son mari est mort, ou bien elle a été divorcée. Elle s'est remariée avec un homme, et cet homme-là, lui, il a un fils. Hein? Cet homme-là, il a un fils. Eh bien, son fils, il est également interdit pour cette femme-là du moment que il s'est marié avec elle. D'accord? Donc, il devient un mahram pour elle. Le cheikh, il dit, « Oh, abna et azwajihinna, li'annahum maharimun lahunna. » Et la preuve de ça, le cheikh, il cite le verset, « Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf, innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. » فإذا عقد أبوك أو جدك من قبل الأب أو من قبل الأم على امرأة يعني حرمت عليك تحريما مؤبدا وتكون أنت محرما لها سواء طلقها هذا الزوج أو بقيت معه فإن ابن زوجها يعني من غيرها يكون محرما لها. Donc, le cheikh, il explique, donc, Allah Azza wa Jalla, il dit dans le verset 22, dans Surat An-Nisa, et ce verset-là, c'est le verset dans lequel Allah Azza wa Jalla, il énumère les interdictions dans le mariage, et il dit parmi les exemples, et n'épousez pas les femmes que vos pères ont épousées. Hein? Si ton père a fait un contrat de mariage, ou bien ton grand-père a fait un contrat de mariage, que ce soit ton grand-père du côté du père ou de la mère, yani, si il a fait un contrat de mariage avec une femme, donc, le cheikh, il dit, Donc, cette femme, elle devient interdite pour toi. Elle devient interdite pour toi. La femme que ton père a épousée ou ton grand-père a épousée, elle devient interdite pour toi pour toujours. C'est-à-dire que même si par la suite il divorçait cette femme, hein, tu n'aurais pas le droit, tu n'aurais jamais le droit de l'épouser. D'accord? Non. Il dit parce que le fils du mari, hein, le fils du mari, qui est le fils d'un autre, d'une autre femme, hein, si cet homme-là, il avait eu un enfant avec une autre femme avant, et que quand il s'est marié avec cette femme-là, il avait un fils, eh bien, ce fils-là, après le mariage, devient un mahram pour elle. « Ou ikhwanihinna al-akh mutlaqan, sawa akana shaqiqan, ou li-ab, ou li-um » محرم لأخته أو بني إخوانهن تكون يعني عمة له فتحرم عليه. Donc il dit ici ensuite également les frères de façon générale, les frères sont interdits, peu importe que ce soit des demi-frères ou des frères des frères complets, c'est-à-dire de même père et de même mère. Donc, ton frère, ça peut être soit le frère de la femme, ça peut être soit son frère de même mère seulement, mais de père différent. Ou de même père, mais de mère différente. Ou de même père et de même mère. Dans ces trois cas-là, le frère, il est considéré comme un mahram pour sa sœur. Hein? Même si c'est son demi-frère. Il dit ensuite le cheikh, au bani ikhwanihin. Juste une petite note par rapport à ce point-là. Même si le demi-frère de même mère, hein, même s'il est mahram, mais il ne peut pas être wali pour sa sœur. Le wali, il peut seulement être le frère de même père, ou de même père et de même mère. Mais le frère de même mère seulement, ne peut pas être wali pour sa sœur dans le mariage. D'accord? Ça, c'est un point important. Beaucoup de gens ne savent pas. Naam. Ensuite, il mentionne « Au bani ikhwanihinna ». Bani ikhwanihinna, on parle ici de la tante paternelle. Tante paternelle ou tante maternelle, c'est interdit pour toi de l'épouser. Et ta tante, que ce soit la sœur de ton père ou la sœur de ta mère. La sœur de ta mère, on appelle khala en arabe. Et la sœur de ton père, on appelle amma en arabe. Donc, il y a un nom différent pour la tante paternelle et la tante maternelle. Les deux sont haram. Donc, tu es un mahram pour les deux. Hein, pour ta tante maternelle et pour ta tante paternelle, tu n'as pas le droit de l'épouser. Donc, elle peut se dévoiler devant toi. Naam. Mm-hmm. Ouais, dans ce cas-là aussi, c'est-à-dire, si la tante, c'est ta tante du côté de ta, de ton, c'est-à-dire ta tante maternelle, et quand tu dis même père, même mère, tu veux dire que cette tante-là, donne-moi un cas. En même temps, maman. Ok. C'est-à-dire que elle a la même, ta mère, c'est la sœur de ta mère. D'accord? Et elle n'a pas le même père que ta mère. Cette tante-là, elle n'a pas le même père que ta mère. C'est pas grave, c'est ta tante quand même. Du moment qu'elle a un de ses parents qui est relié avec elle, c'est-à-dire que c'est sa sœur, même si c'est sa demi-sœur. C'est ça que ça veut dire. Donc, même si c'est sa demi-sœur, c'est ta tante quand même. D'accord? C'est pas nécessaire qu'elle soit une sœur de même père, même mère. Aussi, il faut faire attention aussi, parce que là, tu me fais penser à quelque chose. Je sais que parfois, parmi les familles africaines, certaines personnes ont utilisé les appellations de famille un petit peu de façon libérale. Dans le sens que les gens s'appellent frères et sœurs, alors qu'ils ne sont pas frères et sœurs. Et parfois, c'est des cousins-cousines. Ils s'appellent frères et sœurs. Ou parfois, c'est même pas des cousins-cousines. C'est juste des amis de famille. Et ils disent, ah, c'est ma cousine. Oh, c'est mon cousin. Ah, comment ça va, cousin? Ah, comment ça va, cousine? Et alors que ce ne sont même pas des cousins ni des cousines, ils n'ont aucun lien de parenté, aucun lien de sang. Et à cause de ça, ça a ouvert plein de confusion. Et disons que les gens se permettent parfois de se fréquenter ou de se voir d'une manière qui est interdite en réalité. La femme, elle ne va pas se voiler devant la personne parce qu'elle dit « c'est mon frère » ou « c'est mon cousin ». Alors qu'en principe, le cousin, tu peux marier ton cousin. La femme peut marier son cousin. Ce n'est pas un mahram. Et la cousine, tu peux l'épouser aussi. Donc, tu n'es pas mahram pour elle. Donc, elle doit se voiler devant toi. Et elle doit se voiler devant toi. Donc, si c'est une femme, elle se voile devant son cousin. Donc, ça, c'est très important. La même chose aussi, si ce n'est pas ton frère, tu n'as pas à l'appeler ton frère, même si c'est ton frère en islam. Hein? Mais ça ne veut pas dire que c'est ton frère en islam, que ça veut dire que tu peux te dévoiler devant lui. Celui devant qui tu peux te dévoiler, c'est ton frère de sang, pas ton frère en islam. D'accord? Ça, c'est important. Et il y a des gens qui ne tiennent pas compte de ça. Et il y en a qui pensent, parmi les Africains, j'ai vu beaucoup de gens qui disent, « Ah, ça, c'est des choses, c'est les Arabes qui font ça. Nous, on n'est pas Arabes, on est Africains, donc on n'est pas obligé de suivre ça. » Non, les règles de l'islam ne sont pas spécifiques aux Arabes. Les règles de l'islam sont pour tous les peuples. Que tu sois Québécois, que tu sois Chinois, que tu sois Africain, que tu sois Arabe ou autre, tu dois respecter ces principes-là parce que ces principes-là sont les principes qui nous protègent et qui nous préservent. Hein? Donc c'est très important de les respecter, peu importe notre ethnie ou notre couleur ou notre origine ou notre lieu géographique dans lequel on vit. D'accord? Donc ça, c'est important. Parce qu'il y a des fois des histoires que j'ai entendues, là, c'est grave, même ça a même causé parfois des divorces. Une femme, par exemple, pendant qu'elle est toute seule à la maison, son mari est au travail ou bien il est dehors, et un homme qui vient à la maison vient voir sa femme. Et elle dit, mais ça c'est mon frère. Hein? Alors que c'est pas son frère. Mais comment tu restes toute seule avec cet homme dans la maison alors qu'il n'y a personne? Ça, c'est haram. Ça, c'est al-khalwa. Donc, ça, c'est parmi les exemples de... Exactement. Donc, les gens jouent avec les mots, là. Ils se permettent des choses. Et ça ouvre la porte à de la fornication, à de l'adultère, à toutes sortes de situations très, très douteuses qui amènent des conflits. Même parfois, donc, et il faut faire attention à ce genre de choses-là. Pour continuer, donc, le cheikh, il dit, أو بني إخوانهن يعني تكون عمة له فتحرم عليه أو بني أخواتهن يعني تكون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تكون خالة له ويكون محرما لها أو نسائهن يعني يجوز للمرأة donc c'est ça, donc la nièce, c'est la même chose, hein? C'est-à-dire si un homme il a une nièce, peu importe que ce soit la fille de son frère ou la fille de sa sœur, elle n'est pas obligée de se voiler devant lui, hein? Parce que c'est sa nièce, il est son oncle, d'accord, peu importe que ce soit un oncle qui est demi-frère. Hein? Ou bien un oncle qui a les mêmes pères, mêmes mères, c'est la même chose. Ou nisa ihinna. يعني يجوز للمرأة أن تبدي للمرأة وجهها وكفيها وشعرها لا بأس بذلك وهذا حكم المرأة مع المرأة أو ما ملكت أيمانهن. Donc ici le cheikh il explique quand Allah il dit ou avec leur femme, c'est-à-dire avec d'autres femmes. Si une femme elle est en présence de d'autres femmes, elle peut montrer, elle peut laisser, elle peut se dévoiler et montrer son visage et ses mains et ses cheveux. Il n'y a pas de mal à ça. Et ça, c'est le jugement d'une femme avec une femme. Donc si une femme est avec une autre femme, elle peut ne pas se voiler devant elle. Même si elle n'a pas de lien de parenté. Hein? Même si elle n'a pas de lien de parenté. Ou ma malakat aymanuhunna. Ou ma malakat aymanuhunna. Peut-être une note ici, juste noter quelque chose par rapport à la question des femmes entre elles. Parce que des fois, les femmes, elles vont dire, bon, si elles sont ensemble, s'il y a une fête de mariage, par exemple, eh bien, elles vont se réunir et elles vont porter leur robe et puis elles vont arranger leurs cheveux et puis tout ça. Et puis, elles vont, disons, s'amuser entre elles parce que c'est la fête du mariage, la walima. Mais parfois, ils font des vidéos, ils filment ça, hein? Et les femmes, elles se laissent filmer, puis après, les gens, ils vont voir la vidéo de la fête. Et puis, ils regardent les femmes des autres qui ne sont pas voilées, et ça, c'est vraiment pas permis. Donc, dans ce cas-là, il faut faire attention à ça. Et il faudrait demander à ce qu'ils ne filment pas, hein? Parce que le fait de filmer ça, c'est sûr que même si les gens, ils disent « Ah non, il ne faut pas s'inquiéter, on ne va pas montrer ça à n'importe qui », eh bien, il n'y a aucune garantie de toute façon de ça. Donc, il ne faut, faut pas rentrer dans ces histoires de filmer là, les vidéos de mariage et tout ça. Surtout que même des fois, les gens, là, ils se marient, puis après quelques années, ils se divorcent. Et puis, et puis la vidéo de la fête de... Donc, c'est ça. Donc, il faut enlever ça, ces choses-là. Ben c'est ça, et puis des fois même le caméraman qui filme là, c'est un homme, hein? Oh, ben oui, donc c'est ça, ça peut être des causes même qui amènent le divorce à cause de ça. Donc il faut vraiment faire attention à ce genre de choses, parce qu'en fait les gens, ils ont l'impression que puisque tout le monde fait ça, donc c'est ça qui est normal. Et à notre époque, je pense qu'une des choses qui est plus difficile à combattre, et que les gens doivent apprendre justement à savoir refuser ces choses-là, c'est d'apprendre à ne pas vouloir faire comme tout le monde. Et si tu es capable d'arriver à atteindre ce degré-là, de dire, moi là, même si tout le monde dans la société le font ça, si c'est haram, je ne le fais pas, alors là, t'as gagné un point important dans ta religion. Tu vas avoir fait un grand pas dans la compréhension de ta religion et dans l'application de ta religion, parce que tu as montré que tu vas pas aller dans le fait de vouloir suivre aveuglément ce que les gens font, et aussi en même temps tu vas pas être disons conformiste, de te soumettre à la règle de la société et qu'est-ce que les gens veulent t'imposer, alors que c'est des choses contraires à l'islam. Donc ça, c'est très, très important. Il faut savoir refuser et il faut savoir être ferme dans ces sujets-là. Et en même temps aussi, il faut en parler. Il faut en parler beaucoup avec la famille pour que la famille soit informée et éduquée sur ces choses-là. Parce que si tu n'en parles pas à l'avance, ça va créer des problèmes. Donc moi, je conseille même que si tu vas te marier avec une femme, avant même de te marier avec elle, lorsque tu la rencontres pour discuter du mariage, pour savoir si elle te plaît ou si tu lui plais, eh bien, explique-lui justement ta vision de ça, sur ces choses-là. Et peut-être que ça va t'aider justement à avoir une bonne idée de avec qui tu te maries, puis aussi en même temps, ils vont savoir à quoi s'attendre si tu te maries avec cette femme. Quelle est ta position sur ces choses-là? Comment tu vois les choses? Et des fois, si les époux ils sont d'accord, parce que ça arrive souvent que le garçon et la fille, eux, ils se comprennent et ils sont d'accord sur ces choses-là. Sauf que c'est le problème des familles qui veulent imposer, soit la famille du garçon ou la famille de la fille, qui veulent, eux, rajouter des histoires de ce genre. Et c'est ça qui crée plus de conflits ou de problèmes parfois. Parce que la famille dit, il faut que ma fille, elle se marie, il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Alors que si ce n'est pas des familles qui sont religieuses ou qui connaissent réellement la religion, ils vont imposer des choses qui sont contraires à l'islam. Et là, ça devient un peu compliqué. Mais il faut savoir se faire comprendre et il faut savoir expliquer les choses comme il faut. Et les gens vont dire, mais qu'est-ce que tu racontes? De quoi tu parles? Pourquoi tu dis l'islam, c'est pas ça, ça interdit ça? Alors que tout le monde fait ça. Hein? Alors il faut expliquer aux gens, il faut leur dire, écoutez. Ah, oui, oui. Oui. C'est ça, c'est exactement ça. Ils m'ont dit, mais pourquoi toi tu veux faire ça? T'es quoi? T'es extrémiste? Exactement, non, c'est très très compliqué des fois ça. On dit, des fois les époux là, eux-mêmes ils sont d'accord parce qu'ils sont sur la sunna, ils connaissent yani, le Coran, la sunna, ils sont d'accord. Mais le problème, la famille, elle, les gens sont un peu ignorants ou bien les gens sont dans des traditions, ils ne veulent pas faire de compromis et ils ne veulent pas revenir au Coran et à la sunna pour trancher. Alors chacun il veut suivre ses passions et c'est ça qui est triste. Et aussi, beaucoup, beaucoup de musulmans, ils veulent copier les mariages que les chrétiens font. Hein? C'est-à-dire, ils voient comment les chrétiens se marient dans les films, dans les vidéos sur Internet ou des choses comme ça. Puis eux, ils disent, bon, ben, eux, ils font ça, ça, c'est bien. Et si on veut faire un beau mariage, il faut faire comme ça. Hein? Avec les photos, avec les vidéos, avec les... la musique, il loue un DJ, puis tout ça. On ne va pas rentrer dans tout ça, mais c'était juste pour donner un exemple, là, ici. Et ensuite, le cheikh, il explique, il dit, « Aw ma malakat aymanuhunna, aw nisaihinna, aw ma malakat aymanuhunna. » Yani, « al-abd, hein, al-mamlouk, laha, hein, laha, al-mamlouk laha, yakunu mahraman laha, بملك اليمين وينظر إلى وجهها ويكون محرما لها. Donc il dit le cheikh ici que l'esclave, yani il est un mahram pour elle, pour la femme, du fait qu'elle est sa maîtresse. Donc si la femme elle possède l'esclave, l'esclave devient un mahram pour elle. Ou bien sinon c'est qu'est-ce qu'il veut dire ici plutôt? Oui, c'est ça. C'est Al-Abd al-Mamlouk, laha, yakunu mahraman laha, bimilk al-Yamin. Oui, c'est ça. Ça se peut aussi que ce soit dans le sens contraire, pardon. Je m'excuse. C'est dans le sens où l'homme, lui, il possède une femme esclave. À ce moment-là, oui. Il est mahram pour elle. Et il a le droit de regarder et de la voir. Ah, la Kulihal, ici, je suis un petit peu dans le doute. Parce que l'expression, je suis un petit peu confus. Al-Abd al-Mamlouk, laha, yakounu mahraman laha. Ça a l'air de vouloir dire ici que si la femme, elle possède un esclave, que l'esclave va être mahram pour elle, pour la femme, si elle est la maîtresse de cet esclave-là, et qu'il aurait le droit de voir son visage. Il aurait le droit de voir son visage parce qu'il est mahram pour elle. Donc ça, c'est le sens apparent. Mais dans le sens contraire, c'est clair que le maître de l'esclave aussi, si c'est une femme, il a le droit de la voir. Il n'est pas obligé de se voiler devant lui. Et puisque, yani, ça c'est évident. Non, à notre époque, il n'y en a pas. Donc c'est sûr que ça ne s'applique pas pour le moment. Mais ça ne veut pas dire que dans l'avenir, il n'y en aura pas. Hein? Parce que l'esclavage, ça a toujours existé dans l'histoire de l'humanité. Il y en a toujours eu. Chez les juifs, chez les chrétiens, chez les gens de différentes cultures, dans différents peuples, à travers l'histoire, et même chez les musulmans. D'accord? Même chez les musulmans, il y a eu des esclaves. Et il n'y a rien qui dit que si, par exemple, maintenant, depuis, je ne sais pas, quand est-ce qu'ils ont aboli l'esclavage en Europe? Ça fait pas très longtemps, en fait. 1800 et quelques, ils ont aboli l'esclavage pour différentes raisons, mais ça ne veut pas dire qu'un jour, ils vont pas décider que ça va revenir. Hein? Et ça ne veut pas dire non plus que ça va plus exister à jamais. D'accord? Donc, si jamais ça revient, l'esclavage, un jour, eh bien, nous, on a les règles dans l'islam pour savoir comment gérer ce problème-là. D'accord? Et il dit, au tabi'in, الذين يتبعونكم يعني يخلط يخ يختلطون بكم ولا ينفصلون عنكم غير أولي الإربة الذين ليس فيهم شهوة لكونه عنينا ليس فيه شهوة للنساء أبدا فهذا له أن ينظر إلى المرأة وليس لأنه ليس فيه محذور أو الطفل الذي دون البلوغ هذا لا مانع أنه ينظر إلى المرأة ولهذا قال أو الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء يعني لا يعرفون العورة. Donc ici le cheikh il explique que s'il y a par exemple des hommes parmi vous qui se mélangent avec vous et qui n'ont pas de shahwa pour les femmes, c'est-à-dire ils n'ont aucune attirance envers les femmes, soit parce qu'ils sont déficients intellectuels ou bien parce qu'ils ont un problème génétique ou biologique qui fait qu'ils n'ont aucune attirance pour une femme. Ces hommes-là, il n'y a pas de mal à eux de voir les femmes. Hein? Ce n'est pas interdit pour eux puisqu'ils n'ont pas cette attirance. Et ou bien un enfant, c'est par exemple un petit garçon qui n'est pas encore pubère et qui ne connaît pas les parties intimes des femmes. À ce moment-là, Yanni, étant donné qu'ils ne connaissent pas ces choses-là, Yanni, ils peuvent voir la femme, ça ne dérange pas. Bien entendu, à notre époque, il faut faire attention parce que même des petits-enfants, là, des fois, très jeunes, ils commencent à... oui, avec tout ce qu'il y a comme moyen pour voir toutes sortes de choses, ils commencent à voir des choses depuis qu'ils sont très jeunes, donc il faut faire attention à ce sujet-là. Ok, il y a un autre point ici, puis après on va s'arrêter. Il dit, il fait froid, hein? Je vais mettre le chauffage après. Il dit, بداء وتخنيث وشيخوخة فقس وليس من الطفل استتار لخردي وطفلتنا بين الرجال كطفلنا مع النسوة فهم وأقول وأرشدي. Donc le cheikh il explique que ici il y a des différentes catégories d'hommes qui n'ont pas d'attirance ou de désir pour les femmes. Et il les énumère ici, il dit يكون ليس له إربة لأسباب أصابه داء أزال شهوته والعنين الذي ليس له شهوة أصلا بداء يعني كان عنده شهوة ولكن زالت بسبب شيء أصابه يعني أزالها أو عنين وهو لم تخلق له شهوة أصلا وتخنيث وهو الذي يشبه النساء ولا شهوة فيه وشيخوخة يعني شيخ كبير جدا ليس عنده شهوة للنساء لأنه ذهبت شهوته وهذا كله داخل في قوله أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال يعني غير أولي شهوة غير أولي الشهوة. Donc ici le cheikh il explique pour le wudu. Ouais, il va te montrer. Donc le cheikh il explique ici que la personne qui n'a pas de désir pour les femmes ou qui n'est pas attirée pour la femme, ça peut être dû à plusieurs causes. Il dit soit que la personne il a une maladie qui fait que la personne n'a plus de désir ou d'attirance pour les femmes du tout. Donc soit par une maladie qui a fait en sorte que la personne, elle a perdu ce désir-là, ou bien qu'il ne l'avait même pas à la base. Soit il ne l'avait pas à la base du tout, il est né comme ça. Ou bien, il l'a perdu à cause de cette maladie. Ou anin, c'est-à-dire celui qui n'avait pas du tout de désir. Ça se peut, par exemple, des gens qui sont nés avec, par exemple, ils n'ont pas de partie génitale. Ou bien leurs parties génitales n'ont pas été formées, par exemple. C'est des gens handicapés. Ou il y a des gens, par exemple, ils ont un problème hormonal ou bien peut-être dans leur cerveau, il y a quelque chose qui manque, qui fait qu'ils n'ont pas eu ce désir-là en eux-mêmes. Donc, à ce moment-là, ces gens-là, ils n'ont pas besoin de c'est pas interdit pour eux de voir les femmes parce qu'ils n'ont pas ce désir-là. Hein? Aussi, al-mukhannaf. Al-mukhannaf, c'est quoi? C'est l'homme qui est efféminé. L'homme efféminé et qui a aucune attirance pour les femmes. Donc, c'est comme si c'est un homme, mais en réalité, il est comme une femme. Hein? Il est comme une femme dans ses manières, dans sa façon de parler, dans sa façon d'agir. Et puis, il n'est pas attiré par les femmes. Ou bien, Ashekhoura, un homme qui est devenu très, très vieux. Hein? Et il est sénile, hein? Vraiment vieux. Donc, il pense pas aux femmes et il n'est pas attiré par les femmes parce qu'il est devenu tellement vieux que c'est plus important pour lui ou ça ne lui fait plus rien. Et ça, c'est mentionné donc dans le verset à la fin du verset 31 dans Sourate An-Nur. Ou les tabi'ina ghayri ulil irbati min ar-rijal. D'accord? Donc, c'est les hommes qui n'ont plus d'attirance ou de désir envers les femmes. Donc, ça, c'est cette catégorie-là. Et il y a une chose aussi par rapport à ça, parce que j'écoutais une fois un reportage qui avait été fait au sujet des esclaves dans les pays musulmans, puis certains d'entre eux ils disaient que certains, ils faisaient une opération, ils castraient les esclaves, ou bien il y en a qui leur faisaient une opération même dans le cerveau pour leur enlever les désirs ou des choses comme ça. Et ça, c'est interdit déjà à la base dans l'islam de faire ça. Le fait même de se castrer soi-même ou de faire castrer quelqu'un d'autre, c'est quelque chose que le prophète Mohammed sallam a interdit strictement. Donc, de faire subir ça à un esclave, c'est de la torture, c'est de la mutilation et c'est interdit. Là. Oui. Ouais, non, sur les animaux, si c'est pour des raisons spécifiques, là. Ça se peut, oui, ça peut être permis pour des animaux, mais pas pour des êtres humains. Parce que j'ai entendu ça par rapport à les chèvres. Oui, c'est ça, ouais. Ils castraient les eunuques, ce qu'on appelle les eunuques. C'est-à-dire, les eunuques, c'est des hommes, ils les castraient, puis c'est eux qui gardaient les harems. Oui, les reines ou les femmes dans les. C'est-à-dire, il disait, bon, puisqu'il n'a pas de désir, là, il ne va pas être attiré par les femmes, et il ne peut pas rien faire de toute façon, parce qu'il n'a pas de rien pour, soi-disant, faire quoi que ce soit. À la kulli hal, ça, c'est pas permis de le faire. Si la personne, elle est née comme ça, naturellement, c'est-à-dire, Allah, il l'a créée comme ça, il est handicapé, ça, c'est une chose. C'est pas grave, mais si toi tu le fais, ça c'est pas permis. D'accord? Naam. Et aussi parmi la catégorie dit wat-tifla yakunani ma'a al-jinsayni la mani'. C'est-à-dire qu'un garçon ou une fille, des enfants, hein, enfant garçon ou enfant fille, ils peuvent être avec des hommes ou avec des femmes en présence des hommes et en présence des femmes. Sans distinction. Parce qu'ils sont des enfants, donc ils n'ont pas de comment je pourrais dire? Ils n'ont pas de distinction par rapport à des questions de la aura ou des parties intimes ou des choses comme ça. C'est des enfants, ils sont innocents. Donc, c'est pas pour eux, c'est permis d'être avec les deux, d'être avec les femmes ou d'être avec les hommes. Il n'y a pas d'interdiction à ce sujet-là. Jusqu'à l'âge où l'enfant il commence à être capable de discerner puis il comprend. S'il commence à comprendre, et ça peut être différent d'une personne à l'autre et d'un endroit à l'autre. Par exemple, dans les villes ou dans les endroits comme par exemple les enfants ici, là, peut-être 7-8 ans-là, il commence à comprendre certaines choses. Tandis que dans d'autres pays, peut-être que dans d'autres sociétés, peut-être jusqu'à la puberté, il ne va rien savoir de ces choses-là. D'accord? Mais à la puberté, ça c'est clair que ça devient interdit pour le garçon, la fille, de se mélanger, de voir l'autre. Mais avant ça dépend. Mais si l'enfant, il commence à être... Parce que, qu'est-ce qui est mentionné dans le verset? C'est mentionné... Au tifl al-ladhina lam yadhharu ala awrat an-nisa. C'est-à-dire ils n'ont pas été au courant ils n'ont pas vu les parties intimes des femmes, ils savent pas c'est quoi. Hein? Ou ils ne sont pas attirés par ça. Donc, à ce moment-là, yani, ce n'est pas nécessaire qu'il ait atteint la puberté nécessairement. Mais du moment qu'il commence à être curieux de ça, puis il veut voir, ou il commence à chercher ça, alors ça, c'est des signes que l'enfant, là, il commence à comprendre certaines choses. À ce moment-là, yani, il ne peut plus se mélanger avec les femmes et voir les femmes sans voile. Et ça a été un problème parfois même, parce qu'il y a certaines femmes, elles continuaient à considérer leurs garçons comme étant des bébés, même s'ils sont devenus des garçons, même parfois ils ont atteint la puberté et continuent à les traiter comme des bébés. Hein? Il est pubère, mais il est petit, il ne comprend pas, c'est pas grave, c'est un enfant encore. Elle le laisse quand il y a des femmes qui viennent la visiter. Son fils, il est là et il est pubère. Et les femmes vont se dévoiler, puis lui, il est là comme si rien n'était. Et elle dit, non, il est petit, il ne comprend pas. Non, non, ça c'est pas correct. Et, hein? Exactement. Et même des fois, c'est la même chose pour certaines filles, par exemple. Certaines mères, elles voient leurs filles toujours comme des bébés. Alors que leurs filles, elles commencent à atteindre la puberté. Et au lieu de leur mettre, par exemple, de leur dire, tu dois mettre le hijab et commencer à te voiler, ah non, elle est petite encore, elle est petite. Alors qu'elle commence déjà à être formée, hein? Commence déjà à avoir des formes et ainsi de suite. Donc ça. Salam alaikum. Donc là, à ce moment-là, il faut commencer à impliquer, à implémenter les règles. Même si tu penses que. Oui. Oui. C'est ça, si les gens ils sont pauvres, comme tu dis, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir une maison plus grande. Donc les garçons et les filles sont mélangés dans les chambres. À un certain âge, là, ça commence à devenir problématique. Donc, il faut vraiment essayer de trouver des solutions là, même de les séparer dans la même chambre, mais avec un rideau, ou bien tu mets quelque chose pour faire une barrière. On va s'arrêter ici, inshallah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته